L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. À Nancy, le centre social OHS Jolibois accueille Écran Total, un spectacle débat interactif pour ouvrir le dialogue sur les usages des écrans en famille. Béatrice Mater, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente famille au centre social OHS Jolibois. Alors, première question toute simple, à qui s'adresse ce rendez-vous du 28 janvier ? Alors, ce rendez-vous s'adresse aux parents et aux adolescents à partir du collège. Un public familial autour de cette question des addictions aux écrans. Oui, on parle d'addiction aux écrans en tant que professionnel, en tant que parent et en tant que collégien, on va parler des écrans. On peut pas parler d'addiction forcément avec notre public qui n'y voit pas forcément ce terme-là. C'est le fait d'être accro aux écrans, de pas pouvoir s'en détacher. Tout à fait. Et c'est le fait d'utiliser des écrans tout le temps, pour les enfants en bas âge même. On se rend compte que des tout petits, dès 2-3 ans, ont le smartphone des parents en main, quand il faut patienter, etc. Donc l'objectif, c'est effectivement de limiter en tout cas l'utilisation des écrans à tout âge de la vie. Et pour aborder cette question, vous avez fait le choix de faire un théâtre forum avec le Café Théâtre Saint-Médard et la compagnie Akali. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se déroule, un théâtre forum, et pourquoi avoir fait ce choix ? On s'aperçoit, nous, sur notre public, qu'on est toujours en difficulté avec les conférences ou les choses très, on va dire, scientifiques qui vont pouvoir être proposées, avec des discours trop compliqués à comprendre pour notre public. Et du coup, on propose des choses très interactives. Donc le Théâtre Forum, c'est un spectacle dans lequel les participants peuvent intervenir et peuvent changer l'histoire qui est en train de se dérouler. Et à partir du moment où il y a de l'interactif et où on va pouvoir s'expérimenter un petit peu, on va être dans quelque chose de plus simple et de plus compréhensible pour les familles et aussi plus percutant certaines fois que des discours de scientifiques qui vont des fois parler beaucoup moins aux familles du quartier. Donc on va être dans des choses très concrètes et dans quelque chose de très quotidien dans le spectacle Théâtre Forum. Et c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, ce Théâtre Forum au centre social ? Oui, alors pas sur cette thématique-là, on était sur la thématique du harcèlement scolaire, où effectivement on part de situations concrètes vécues par des personnes, et on joue la scène, et ensuite on essaie de se dire, bah là c'est pas satisfaisant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre solution qui permettrait que ça se passe mieux ? Donc là, ça se déroulera le 28 janvier donc au centre social Jolibois. Comment les familles peuvent-elles s'inscrire et participer concrètement ? Alors c'est ouvert à tout public. Si on n'a pas besoin de mode de garde, on n'est pas obligé de s'inscrire. On peut venir à 17h et participer. Si les parents ont besoin d'un mode de garde, il faut nous appeler au minimum pour qu'on puisse prévoir un mode de garde pour les plus petits, donc pour les enfants de moins de 11 ans. On envisage un mode de garde pendant le temps du spectacle pour permettre aux parents d'y assister. Voilà, le centre social Jolibois, c'est au 4 avenue du Général Mangin à Nancy. On peut donner le numéro de téléphone, c'est le 03 83 28 45 45. Dans nos échanges, vous avez évoqué un projet de captation et de recueil de témoignages autour de cet événement. Oui, avec notre conseiller numérique, on réfléchit à monter un projet de micro-trottoir et de lien avec les activités du centre, avec un groupe de jeunes qui, durant l'année, va interviewer des activités, enfin du public d'activités tout au long de l'année sur différentes thématiques. Bah, on trouvait que c'était intéressant de pouvoir proposer aux jeunes de venir capter des informations sur cette thématique-là pour ensuite en faire des podcasts ou des enregistrements qu'on pourrait rediffuser à d'autres moments. Voilà, ça permet d'aller de creuser encore un peu plus la thématique abordée. Tout à fait. Et puis pour ceux qui n'auraient pas pu être présents ce jour-là, de pouvoir quand même avoir des informations sur cette thématique-là. Et il y aura certainement d'autres thématiques durant l'année qui seront travaillées. Notamment, on parlait des jeux vidéo qui sont en lien avec les écrans, mais qui est une thématique un peu particulière à l'adolescence qu'on voulait aussi aborder. Merci beaucoup Béatrice Mater. Je vous laisse peut-être un dernier mot, peut-être un dernier argument pour inciter, pourquoi pas, des parents à venir justement le 28 janvier. On espère que ce sera un temps d'échange intéressant et que ça donnera des envies de faire baisser les écrans dans les familles. Voilà, Écran Total, c'est le mercredi 28 janvier à 17h au centre social OHS Jolibois à Nancy. Merci beaucoup. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.